La Voie lactée de Sully Prudhomme. Enregistrée pour LibriVox.org par Lérisane. Aux étoiles, j'ai dit un soir, vous ne paraissez pas heureuse. Vos lueurs, dans l'infini noir, ont des tendresses douloureuses. Et je crois voir au firmament un deuil blanc mené par des vierges qui portent d'innombrables cierges et se suivent languissamment. Êtes-vous toujours en prière? Êtes-vous des astres blessés? Car ce sont des pleurs de lumière, non des rayons que vous versez. Vous, les étoiles, les aïeules des créatures et des dieux, vous avez des pleurs dans les yeux. Elles m'ont dit, nous sommes seules. Chacune de nous est très loin des sœurs dont tu la crois voisine. Sa clarté caressante et fine dans sa patrie, et sans témoin, et l'intime ardeur de ses flammes expire aux cieux indifférents. Je leur ai dit, je vous comprends, car vous ressemblez à des âmes. Ainsi que vous, chacune lui, loin des sœurs qui semblent près d'elle, et la solitaire immortelle brûle en silence dans la nuit. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.